Décembre 2002. Chapitre 7e. Tourment. Viard avait demandé à faire un point sur les affaires en cours et Dutilleul n'avait pas pu faire l'économie de l'entretien. Les fêtes de fin d'année approchant, la chose devenait inévitable. Tout cela doit être très déprimant pour vous, Dutilleul. Les affaires sont calmes. Seulement 8 arrestations et encore pour des délits mineurs. Sur quoi travaillez-vous en ce moment ? Sur une vieille affaire, un héritage de Morand. Dites-moi un peu plus, voulez-vous ? Mon esprit bat la campagne. J'aimerais tant voir à l'œuvre la fameuse méthode du Dutilleul. Une babysitter tuée dans un accident, il y a 25 ans, Morand n'était pas satisfait. Cela ne me dit rien. Ce n'est pas très étonnant. Cela se passait du côté d'Honfleur. Ce n'est pas notre juridiction. Raison pour laquelle je me suis fait très discret et que je n'utilise pas les fonds du service. Une enquête privée, en quelque sorte. Si vous voulez. Et qu'est-ce que cela donne ? Rien, ou pas suffisamment, pour le mentionner. Il nous faut une grosse affaire, Dutilleul. Et il nous la faut rapidement, à tous les deux. En attendant, j'aimerais poursuivre et utiliser Girardin. Ah, je ne le connais pas trop, celui-là. Il est bien ? C'est un très bon élément. Venant de vous, le compliment n'est pas mince. Il le mérite. Il a été très utile lors de l'affaire Louvier. Alors vous avez mon accord, à condition toutefois que l'on ait des résultats. Comme souvent, Monique Plantier ne parvenait pas à trouver le sommeil. Elle regarda une nouvelle fois son réveil sans aménité, minuit et quart. Elle savait donc ce qu'il lui restait à faire. Elle se sentait si mal et elle avait peur. C'était un sentiment diffus, très difficile à expliquer, mais qui était bien présent. En fait, cette peur datait du jour où Mathilde Pradier était tombée dans ce maudit escalier. Depuis, elle n'avait fait que croître. Au départ, comme tout le monde, elle avait voulu croire à la thèse de l'accident. Mais maintenant, c'était surtout le cahier de Loïc qui lui posait problème. Elle n'avait jamais rencontré la babysitter. Le journal lui avait appris que c'était une très jolie fille de 17 ans. Tout ce qu'elle avait pu lire sur elle était élogieux et Monique Plantier ne parvenait pas à l'oublier. Pas plus d'ailleurs que l'accident lui-même, il avait été si violent. Depuis, les faits ne faisaient que tourner et retourner dans sa tête. Elle ne pouvait s'empêcher de s'interroger, à toute heure du jour et de la nuit, avec la peur en toile de fond. Elle échafaudait des scénarios tous plus fous les uns que les autres, pour tenter d'expliquer les faits, mais elle n'était jamais satisfaite très longtemps. Il lui fallait toujours creuser plus profond. Certains scénarios la mettaient même si mal à l'aise, qu'elle ne parvenait plus à trouver le sommeil. C'était alors une véritable torture, comme aujourd'hui. Elle savait donc ce qu'il lui restait à faire. Elle alluma la lampe, enfila sa robe de chambre et se rendit dans la cuisine. Peut-être qu'une tisane parviendrait enfin à la calmer, ou tout du moins le liquide chaud et ambré lui apporterait-il ce réconfort dont elle avait tant besoin. Pour se changer les idées, elle s'efforça alors de penser à son fils qu'elle aimait si tendrement. Il n'avait vraiment pas mérité cela. Il avait subi un véritable martyr et pas seulement à cause de la mort de cette petite qu'il ne connaissait même pas. Il avait eu un mal de chien à retrouver une situation équivalente à celle qu'il occupait avant le drame. Il lui avait fallu 10 bonnes années pour se rétablir et il n'avait échappé que de très peu à la dépression. Nadine, en revanche, n'y avait hélas pas coupé. Elle se sentait si atrocement responsable. C'était une bonne âme et Monique Plantier devait bien reconnaître que Pierre aurait pu tomber bien plus mal. Monique avait toujours beaucoup apprécié Nadine. Charles, son mari également. Le contact était passé dès leur première rencontre. Pourtant, les deux femmes étaient très nerveuses. Mais Monique avait tout de suite compris que Nadine était foncièrement gentille. Charles, pourtant très réservé d'ordinaire, n'avait pas tari d'éloges à son endroit. Il l'avait trouvé tout à fait gentil, ce qui, venant de lui, n'était pas un mince compliment. Seul petit bémol, tout comme Monique, il avait déploré ses vilaines lunettes qui ne flattaient vraiment pas la jeune fille. Rapidement, chacun avait trouvé ses marques et l'habituel conflit belle-fille-belle-mère n'avait pas eu lieu. Nadine voyait toujours Monique et Charles avec un plaisir sincère et les traitait avec cette affection que l'on donne à de vieux parents. Charles y était particulièrement sensible. Nadine ne cherchait jamais à imposer son point de vue. Elle se montrait toujours très respectueuse vis-à-vis de Charles. Ils avaient ensemble de longues conversations si bien qu'un jour même, Charles l'avait emmené chasser. Nadine en était revenue toute rosie par le froid du matin, mais merveilleusement heureuse. Elle n'avait pas cherché non plus à s'immiscer dans la complicité que Monique entretenait avec son fils, bien au contraire. Elle avait toujours accepté leur balade en tête à tête. Elle recevait toujours ses conseils de bonne grâce et Monique devait reconnaître qu'elle avait rapidement trouvé le chemin de son cœur. Nadine était une âme simple, mais elle avait vraiment montré toute sa valeur quand Charles s'était tué bêtement à la chasse 2 ans après leur mariage. Nadine n'avait pas voulu que Monique reste seule un seul instant. Elle avait immédiatement proposé à Pierre de prendre Monique avec eux. Nadine l'avait entourée de constantes attentions, mieux encore que l'aurait fait une fille naturelle. Nadine l'avait aidée à y voir clair dans les papiers de la succession, et quand Monique avait parlé de leur faire une donation, Nadine avait été la première à s'y opposer. « Faites-vous plutôt plaisir !» Voilà ce qui lui avait été répondu. Alors oui, elle s'était fait plaisir. Elle s'était débarrassée sans remords de la maison qu'elle occupait jusque-là. De toute façon, elle était devenue beaucoup trop grande et sans Charles, elle ne lui trouvait plus aucun charme. Pour achever de la convaincre, Pierre avait fait remarquer qu'elle était trop isolée, ce en quoi il avait parfaitement raison. Après quelques mois de recherches acharnées et un nombre impressionnant de visites, Nadine avait fini par dégoter la perle rare, une ravissante petite maison en centre-ville avec un très joli petit jardin. Le prix était d'autant plus raisonnable que le vendeur était pressé. La vente de la maison de Monique s'était aussi très bien passée. Elle avait reçu bien plus que ce qu'elle n'escomptait au départ. Avec ce qu'il restait de l'argent de la vente, elle avait acheté une nouvelle voiture, une automatique. Elle pouvait sans danger la garer dans la rue. Monique Plantier serait éternellement reconnaissante à Nadine de tout ce qu'elle avait fait pour elle. Son aide s'était révélée précieuse, et elle avait apprécié plus que tout son parfait désintéressement. Grâce à elle, elle avait pu se créer un nouveau décor, une nouvelle vie, et chaque jour, elle aimait un peu plus sa belle maison, comme elle prenait plaisir alors à l'arranger. Elle avait choisi chaque meuble, sans regarder à la dépense, et Nadine et Pierre s'étaient montrés généreux, la couvrant de cadeaux à la moindre occasion, si bien que sa retraite, pourtant modeste, couvrait aujourd'hui largement ses frais. Puis la jeune fille était morte, brisant d'un seul coup toute cette belle harmonie. Naturellement, la pauvrette n'avait rien à y voir. Elle n'était qu'une victime. C'était si horrible de finir sa vie dans ces conditions. C'était presque une insulte, un pied de nez incompréhensible du destin. Surtout que lorsque Monique y réfléchissait bien, c'est elle qui aurait dû garder les enfants ce jour-là. Elle s'était même rendue disponible en prévision. Après toutes les bontés de Nadine à son endroit, c'était bien le moins qu'elle pouvait faire. Seulement, il y avait eu ce maudit rendez-vous qu'elle avait complètement oublié et qu'elle n'était pas parvenue, malgré toute son insistance, à faire déplacer. Pourtant, elle aurait été heureuse de rendre service à Nadine, même si elle n'aimait pas beaucoup ses petits-enfants. Ça y était, elle venait de s'autoriser à penser la terrible phrase. Elle ne les aimait pas, et pire, elle n'avait même pas essayé. Ils étaient bizarres. D'abord absolument pas câlin, au contraire de Pierre qui avait eu bien du mal à quitter ses bras. Elle avait même le sentiment très net qu'ils abhorraient tout contact, comme s'ils n'étaient pas du même monde. Certes, ils étaient vraiment très beaux, l'un comme l'autre. Très semblables aussi depuis que Sandrine avait coupé ses cheveux, mais leur beauté était sans âme, glacée, sans étincelle. Elle savait qu'ils étaient intelligents même si les résultats scolaires était toujours en deçà de ce que l'on aurait été en droit d'attendre. Pierre lui avait fait de solides études, mais il était travailleur, ce qui n'était pas le cas de Loïc ou de Sandrine, qui aimait avant tout la facilité. Les mettre en institution privée avait aussi été une belle erreur. Elle les avait maintenus dans leur paresse. Certes, tous deux avaient décroché leur bac, mais sans éclat. Loïc avait même redoublé une année pour passer son diplôme en même temps que sa sœur. C'était surtout cela qu'elle trouvait détestable, ce besoin d'être toujours constamment ensemble, comme s'ils ne supportaient pas la moindre intrusion. Ainsi, même s'ils avaient fait tous deux leurs études dans une boîte à fric, ils n'avaient noué aucun contact. Ils ne s'étaient rendus à aucune soirée. D'ailleurs, elle s'était toujours demandé quelle pouvait être leur distraction en dehors du bateau. Tout comme Pierre, tous deux adoraient la mer, de vrais poissons. Ils adoraient nager et plonger, et ils étaient de très bons marins, trop même, à en devenir facilement inconscients. Pourtant, ils ne s'étaient jamais inscrits à la moindre régate, même s'ils avaient, et de loin, le plus beau bateau de la baie. Ils acceptaient sans difficulté que leur père les accompagne, mais cela n'allait pas plus loin. Nadine, elle, n'y allait pas. Elle avait peur de l'eau. Elle avait failli se noyer tant petite, et depuis, elle évitait le moindre contact. C'était peut-être le seul sujet de taquinerie entre elle et Pierre, même si Monique se rangeait toujours du côté de Nadine, mais plus pour embêter son fils qu'autre chose. Monique Plantier regarda tristement sa tasse de tisane. Décidément, elle ne se sentait pas mieux, au contraire. Pourquoi donc repensait-elle constamment à toute cette affaire? Pourquoi ne parvenait-elle pas à tirer un trait? Ah oui, maintenant ça lui revenait. Elle avait croisé Micheline Servier au marché. Un commissaire de Paris reprenait l'enquête. Elle ne savait pourquoi elle en était heureuse. Elle avait le sentiment que la jeune fille le méritait, même après toutes ces années. Micheline Servier semblait conquis surtout qu'à ce qui paraissait, l'homme ne manquait pas d'allure.